Pris sur le vif. Écoutez. Allô, monsieur Château? Oui. Bonjour, ici Philippe Guérin. Je vous appelle de crainte qu'avec la grève des PET, vous n'ayez pas reçu la confirmation de ma commande. En effet, nous ne l'avons pas reçue et je ne savais pas quoi faire. Pour quelle date vous fallait-il ce vin? Pour le mariage de ma fille, le 15. Je regrette beaucoup, mais pour que vous le receviez avant le 15, j'aurais déjà dû l'expédier. Aujourd'hui, nous sommes le 10. Même en l'expédiant aujourd'hui, c'est impossible que vous l'ayez à temps. Répétez. Allô, monsieur Château? Oui. Bonjour, ici Philippe Guérin. Je vous appelle de crainte qu'avec la grève des PET, vous n'ayez pas reçu la confirmation de ma commande. En effet, nous ne l'avons pas reçu. Et je ne savais pas quoi faire. Pour quelle date vous fallait-il ce vin? Pour le mariage de ma fille, le 15. Je regrette beaucoup. Mais pour que vous le receviez avant le 15, j'aurais déjà dû l'expédier. Aujourd'hui, nous sommes le 10. Même en l'expédiant aujourd'hui, c'est impossible que vous l'ayez à temps. Écoutez. Toi, laisse-moi tranquille. Alors, monsieur n'est pas à prendre avec les pincettes? Occupe-toi de tes oignons. Ne te plains pas, j'aurais pu tout raconter. Parce que tu n'as rien dit? Non, de peur que maman se fâche. Répétez. Toi, laisse-moi tranquille. Alors, monsieur n'est pas à prendre avec les pincettes? Occupe-toi de tes oignons. Ne te plains pas, j'aurais pu tout raconter. Parce que tu n'as rien dit? Non, de peur que maman se fâche. Écoutez. De peur que j'oublie, appelle-moi demain. Impossible. Ce soir, je pars en déplacement en France pour une semaine. Ah, quel vénard! Répétez. De peur que j'oublie, appelle-moi demain. Impossible. Ce soir, je pars en déplacement en France pour une semaine. Ah, quel vénard !